بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. On va voir dans le cours d'aujourd'hui ce qui concerne le hijama lorsqu'on jeûne. Le hijama qui est le fait de retirer le sang mauvais du corps à l'aide de ventouses. On lit le hadith numéro 15. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. Le prophète عليه الصلاة والسلام s'est fait pratiquer le hijama alors qu'il était محرم, c'est-à-dire en état de sacralisation. واحتجم وهو صائم. Il s'est fait pratiquer le hijama alors qu'il jeûnait. Rawi al-Bukhari. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le hadith suivant. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان. فقال أفطر الحاجم والمحجوم. Le prophète عليه الصلاة والسلام est passé près d'un homme à Baqi'. Baqi' est le cimetière des gens de Médine. Alors que celui-ci subissait une hijama pendant le mois de Ramadan. Et il dit, celui qui subit et celui qui pratique le hijama ont rompu le siyam. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et d'autres et il est sahih, il est authentique. Le hadith suivant, le hadith numéro 17. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كريت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم. فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال أفطر هذان ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte « La première fois que le hijama fut réprouvé pour celui qui jeûne fut lorsque Ja'far ibn Abi Talib se faisait pratiquer le hijama alors qu'il jeûnait. Le prophète alayhi salatu wasalam passa près de lui et dit « Ces deux-là ont rompu le jeûne, le siyam. » Par la suite, le prophète alayhi salatu wasalam a permis le hijama pour celui qui jeûne et Anas se faisait pratiquer le hijama alors qu'il jeûnait. Ce hadith qui est rapporté par Ad-Darqutni est da'if. Ce hadith est faible, car il y a dans la chaîne de transmission Khaled ibn Mukhallad. Donc ce hadith-là, numéro 17, est da'if. S'il était authentique, il aurait permis de trancher la question qu'on va étudier dans ce cours-là. Cette question-là qu'on va voir justement est-ce que le fait de pratiquer le hijama lorsqu'on jeûne invalide le siyam ou pas? La majorité des savants, parmi eux l'imam Malik, l'imam Shafi'i et Abu Hanifa, sont d'avis que le fait de pratiquer le hijama lorsqu'on jeûne n'invalide pas le siyam. C'est l'avis également d'Ibn Omar, d'Ibn Abbas et d'Anas ibn Malik. Ils se sont appuyés sur le hadith qu'on a lu, le hadith numéro 15, qui indique que le prophète, alayhi salatu wasalam, ihtajama wa sa'im. Donc il a pratiqué le hijama alors qu'il jeûnait. Donc ils ont dit qu'il est permis de pratiquer le hijama lorsqu'on jeûne et que cela n'invalide pas siyam. Ils se sont appuyés également par un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro 1940, où on a demandé à Anas ibn Malik. Est-ce que le fait de pratiquer le hijama lorsqu'on jeûne était réprouvé? Il répondit non. Qala illa min ajli ad-da'f. Sauf si cela affaiblit la personne. Si la hijama affaiblit la personne, dans ce cas-là, cela est déconseillé, cela est réprouvé. Également, comme on l'a dit, le hadith numéro 17 qui indique qu'auparavant, le hijama était réprouvé et par la suite, le prophète alayhi salatu wasalam l'a autorisé. Mais comme on l'a vu, ce hadith-là est da'if, il est faible. S'il était authentique, il aurait permis de trancher la question. On aurait dit directement que cela était réprouvé avant et par la suite, cela est devenu permis. Et également, ils ont fait une analogie avec le saignement de nez et également la saignée. Celui qui saigne du nez, cela n'invalide pas le siyam, car c'est quelque chose qui sort du corps. Et comme l'a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, El fitr mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Ibn Abbas a dit que ce qui risque d'invalider le siyam est ce qui entre dans le corps et non pas ce qui en sort. Or, lorsqu'on fait une hijama, on est en train de retirer du sang. Donc c'est quelque chose qui sort du corps, ce n'est pas quelque chose qui entre dans le corps. Donc ils ont fait une analogie avec ça pour dire que cela n'invalide pas le siyam. C'est comme le saignement de nez. Celui qui saigne du nez, cela n'invalide pas le siyam. Et c'est l'avis qu'a choisi l'imam al-Bukhari. Et d'autres savants ont dit que celui qui pratique la hijama et celui qui se fait pratiquer la hijama, leur siyam devient invalide. C'est l'avis qu'a choisi Atta, Al-Awza'i, l'imam Ahmed, Ishaq, Abu Thur et d'autres également. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, également ibn al-Qayyim, Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi majma'in. Ils se sont basés sur le hadith numéro 16 qu'on a lu, où lorsque le prophète est passé vers un homme auprès de Baqir et qu'il l'a vu en train de faire une hijama pendant le mois de Ramadan, il dit « Celui qui subit et celui qui pratique la hijama ont rompu le siyam. » Ils ont dit que le siyam des deux est invalide. Et ils ont répondu au hadith qui indique que le prophète, alayhi salatu wassalam, « ihtajama wa sa'im » qu'il se faisait pratiquer le hijama alors qu'il jeûnait, en disant que ce hadith-là a été critiqué. Certains spécialistes du hadith ont critiqué cette partie-là du hadith. C'est le cas de l'imam Ahmed qui a dit que cette partie-là du hadith, « wa huwa sa'im » alors qu'il jeûnait, « da'ifa » était faible, car c'était une erreur de Qabisa, Qabisa qui est le rapporteur du hadith. Il a dit qu'il y a d'autres versions qui ont été rapportées sans cette partie-là du hadith, sans cet ajout-là, « wa huwa sa'im » alors qu'il jeûnait. Il a dit que d'autres rapporteurs n'ont pas rapporté cette partie-là du hadith. Donc, cette partie-là, « wa huwa sa'im » alors qu'il jeûnait, n'est pas authentique. C'est une erreur d'un des rapporteurs qui est Qabisa. Donc voilà la réponse à ce hadith-là qui est rapporté par le Bukhari. Cheikh Mohammed ibn Hizam a cité que l'avis le plus juste était le premier avis. Le premier avis qui est que l'hijama n'invalide pas le siyam. Maintenant, on va citer quelle réponse ils ont donné à ce hadith-là. « Aftar al-hajim wal-mahjoum » c'est-à-dire celui qui subit la hijama et celui qui pratique la hijama ont rompu le siyam. Quelle est la réponse à ce hadith-là? Alors tout premièrement, c'est ce qu'a cité l'imam Shafi'i qui a dit que, en fait, eh bien, le hadith mansour, ce hadith-là est mansour, c'est-à-dire abrogé par le hadith d'Ibn Abbas. Le hadith qui indique que celui qui subit la hijama et celui qui pratique la hijama ont tous deux rompu le siyam a été abrogé par le hadith d'Ibn Abbas qui indique que le prophète, alayhi salatu wassalam, se faisait pratiquer le hijama alors qu'il jeûnait. Donc ce hukm-là est mansour, abrogé. C'est-à-dire qu'auparavant, le hijama invalida le siyam et par la suite, eh bien, cela est devenu permis. Donc voilà la première réponse. C'est l'avis de l'imam Shafi'i, également de Khattabi et d'Al-Bayhaqi. Et c'est pour ça qu'on a dit que si le hadith numéro 17 était authentique, il aurait permis de trancher la question, de régler la question. Le hadith numéro 17 qui indique qu'auparavant, le hijama pour celui qui jeûne était réprouvé, puis par la suite, le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a autorisé, l'a permise. Mais ce hadith-là est faible. Mais ce qui appuie ce sens-là est qu'Ibn Abbas, radiallahu anhu, n'a accompagné le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hajj, que pendant Hijjatul Wida, que pendant le hajj d'adieu, c'est-à-dire vers la fin de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc cela indique bien que cela s'est produit vers la fin de la vie du prophète. Donc, c'est le dernier des jugements. Donc cela a abrogé le premier jugement. Ce jugement-là est postérieur au premier. Cela appuie ce sens-là. Et c'est l'avis qu'a choisi Ibn Hazm et également Cheikh Al-Albani. Il reste, quelle est la réponse à la critique de l'imam Ahmed du hadith rapporté par le Bukhari? On rappelle que l'imam Ahmed a critiqué le hadith rapporté par le Bukhari « Ihtajama wa sa'im » qui rapporte que le prophète, alayhi salatu wassalam, ihtajama, il s'est fait pratiquer le hijama alors qu'il jeûnait. Il a dit, on le rappelle, comment se fait-il que dans certaines versions de hadith, on n'a pas cet ajout-là? Donc il a dit que c'était une erreur d'un des rapporteurs. Donc voilà sa critique. Eh bien la réponse en fait est qu'on a deux situations. On a la situation où le prophète, alayhi salatu wassalam, ihtajama wa huwa muhrim. Cela s'est passé. Il a fait le hijama, il s'est fait pratiquer le hijama alors qu'il était muhrim. Donc ce cas-là est authentique. D'accord? C'est une situation qui s'est passée et qui est authentique. Et on a un autre cas où le prophète, alayhi salatu wassalam, ihtajama wa huwa sa'im. Il s'est fait pratiquer le hijama alors qu'il jeûnait. Et cette situation-là également est authentique. Et certains rapporteurs ont cité ces deux cas-là, ces deux situations, dans le même hadith. Ils ont regroupé les deux cas dans le même hadith. Ce qui explique que parfois on a cet ajout-là, wa huwa sa'im, et parfois non. Donc voilà la réponse à la critique de l'imam Ahmed. En fait, on a deux situations qui sont authentiques et certains rapporteurs ont regroupé ces deux cas-là dans le même hadith. Donc parfois on a cet ajout-là, ihtajama wa huwa sa'im, et parfois on ne l'a pas. Voilà la réponse à cette critique-là. Ils ont cité également une autre réponse à ce hadith qui indique que celui qui a subi la hijama et que celui qui a fait la hijama ont rompu le siyam en disant qu'en fait, ils ont invalidé la récompense de leur siyam non pas à cause de la hijama, mais à cause d'un péché qu'ils étaient en train de commettre. Donc en fait, ils étaient en train de commettre un péché, et c'est ce péché-là qui a invalidé la récompense de leur siyam. Ce n'est pas à cause de la hijama. Voilà donc une éventualité. Et il est parvenu dans un hadith que c'est à cause de la médisance qu'ils étaient en train de commettre la médisance, mais ce hadith-là, lam yathbut, ce hadith-là n'est pas authentique. Mais en résumé, ils étaient en train de commettre un péché, et c'est ce péché qui a invalidé leur récompense et non pas la hijama. Ils ont donné également une autre réponse à ce hadith-là en disant qu'en fait, ils se sont exposés tous deux à ce qui allait invalider leur siyam. Auparavant, comme vous le savez sûrement peut-être, ils aspiraient à travers la ventouse à la bouche. Ce n'est pas comme aujourd'hui avec les ventouses d'aujourd'hui. Avant, ils aspiraient à la bouche. Donc celui qui aspirait risquait d'avaler du sang, ce qui invalide son siyam. Donc ils ont dit que celui qui aspire le sang risque d'avaler du sang, ce qui invalide le siyam. Et celui à qui on retire du sang risque de s'affaiblir, ce qui le conduira à rompre le siyam. Donc ils ont dit que tous les deux se sont exposés à ce qui risque d'invalider leur siyam. Voilà une autre réponse à ce hadith-là. Et c'est l'avis qu'a choisi, c'est une des paroles qu'a cité l'imam Shawkani. Et également, ils ont cité que c'est en fait une dua. C'est le prophète, alayhi salatu wassalam, les a réprimandés et il a fait une dua contre eux, il a fait une invocation contre eux, car ils ont fait ce qui risque d'invalider leur siyam. Et d'autres ont dit qu'en fait, eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, est passé auprès d'eux à l'heure du Maghrib. C'était l'heure du Maghrib, c'était l'heure de rompre le siyam, et c'est pour ça qu'elle a dit, tous deux ont rompu le siyam. Donc voilà plusieurs explications à ce hadith-là. Donc en résumé, la plus grande éventualité est que ce jugement-là est abrogé. C'est-à-dire qu'auparavant, le hijama pour celui qui jeûne était réprouvé, et par la suite, cela est devenu permis. Et également, cela risque de conduire à rompre le siyam, comme on l'a vu, comme l'a cité l'imam Shawkani. On va ajouter la parole de l'imam Shawkani, rahmatullah alayhi, qui a dit qu'on pouvait faire un regroupement entre les différentes preuves en disant que la hijama était réprouvée si elle affaiblissait la personne. Si la hijama affaiblit la personne, dans ce cas-là, cela est réprouvé. Et c'est encore plus réprouvé si cela pousse la personne à rompre le siyam. Si cela conduit la personne à rompre le siyam, c'est encore plus réprouvé. Mais si la personne supporte la hijama pendant qu'elle jeûne, dans ce cas-là, cela n'est pas réprouvé. Voilà la parole de l'imam Shawkani, rahmatullah alayhi. Donc voilà pour cette question de l'hijama. En résumé, l'hijama n'invalide pas le siyam selon l'avis le plus juste. La question suivante concerne la saignée provoquée sur une veine. Est-ce que cela invalide le siyam ou pas? L'imam Shafi'i, également la plupart des Hanabila, sont d'avis que cela n'invalide pas le siyam. Ils ont dit qu'il n'y a aucune preuve authentique qui indique que cela invalide le siyam. Et certains parmi les Hanabila, et c'est l'avis qu'a choisi également Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on dit que la saignée pratiquée sur les veines invalidait le siyam. Ils ont fait une analogie avec la hijama, car eux sont d'avis que la hijama invalide le siyam. Donc ils ont dit que c'était le même cas. Mais on a vu que l'avis le plus juste était que la hijama n'invalide pas le siyam. Donc l'avis le plus juste est que la saignée provoquée sur les veines n'invalide pas le siyam. Question suivante. Est-ce que le fait de saigner du nez ou d'une dent invalide le siyam ou pas? L'avis le plus juste est que le fait de saigner du nez ou d'une dent n'invalide pas le siyam, à condition de faire attention de ne pas avaler le sang, bien sûr. C'est l'avis qu'a choisi le Hanabila, également Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi majma'in. La question suivante concerne le don de sang. Est-ce que le fait de se faire prélever du sang invalide le siyam lorsqu'on jeûne ou pas? Cheikh Ibn Baz, également Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Al-Fawzan sont d'avis que si on se fait prélever beaucoup de sang, eh bien cela invalide le siyam. Ils ont fait une analogie avec la hijama, car eux sont d'avis que la hijama invalide le siyam. Mais on a vu que l'avis le plus juste était que la hijama n'invalide pas le siyam. Donc il est permis de se faire une prise de sang ou un don de sang alors qu'on jeûne, cela n'invalide pas le siyam. Mais il est conseillé d'attendre après la rupture du siyam. Mieux vaut attendre le soir pour faire un don de sang. C'est ce qu'a cité Cheikh Mohamed bin Hizam. On lit le hadith suivant, وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه. عائشة رضي الله عنها rapporte le prophète عليه الصلاة والسلام s'est appliqué du khul dans les yeux pendant le mois de Ramadan alors qu'il jeûnait. Ce hadith qui est rapporté par Ibn Majah et d'autres est daif. Il y a dans la chaîne de transmission Sa'id ibn Abd al-Jabbar. Donc ce hadith là est daif. La question qu'on va voir ici est, est-il permis de se farder les yeux de kohl pendant qu'on jeûne? L'avis le plus juste est qu'il est permis de se farder les yeux de kohl pendant qu'on jeûne et que cela n'invalide pas siyam. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, Cheikh ibn Baz et Cheikh ibn Uthaymin, rahmatullah alayhim ajma'in. On va citer certaines questions supplémentaires à ce qu'on a vu. La première concerne les gouttes dans les oreilles. Est-ce que les gouttes dans les oreilles invalident le siyam ou pas? Al-Hanabila et également la majeure partie des Shafi'iyah sont d'avis que les gouttes dans les oreilles invalident le siyam car elles parviennent au cerveau. Et d'autres savants ont dit que les gouttes dans les oreilles n'invalident pas le siyam car les oreilles ne sont pas un conduit qui mène à la gorge et à l'estomac. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et également Ibn Hazm. Et c'est l'avis le plus juste. L'avis le plus juste est que les gouttes dans les oreilles n'invalident pas le siyam. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh ibn Baz et Cheikh ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi majma'in. La question suivante concerne les gouttes nasales et les médicaments injectés dans le nez. Est-ce que cela invalide le siyam ou pas? Certains savants ont dit que cela invalidait le siyam s'il parvenait jusqu'au cerveau. Donc dans ce cas-là, ils ont dit que si cela parvenait au cerveau, cela invalide le siyam. C'est l'avis de Shafi'iyya, également de l'Hanabila, et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah. Et d'autres savants comme l'imam Malik sont d'avis que cela n'invalide pas siyam, sauf si ces médicaments-là parviennent jusqu'à la gorge. Si ces médicaments-là parviennent jusqu'à la gorge, cela invalide le siyam. C'est l'avis qu'a choisi Cheikh ibn Uthaymin et Cheikh ibn Baz également. Et le troisième avis est que cela est permis pour celui qui jeûne. C'est l'avis, entre autres, d'Ibn Hazm. Cheikh Mohammed ibn Hazm a dit que l'avis le plus juste était le deuxième avis, qui est que ces choses-là n'invalident pas le siyam tant qu'ils ne parviennent pas jusqu'à la gorge. Ils se sont appuyés sur un hadith où le prophète, alayhi salatu wasalam, a déconseillé de trop aspirer l'eau avec son nez lorsqu'on jeûne, lorsqu'on accomplit le wudu. Lorsqu'on accomplit le wudu, il est déconseillé de trop aspirer l'eau avec son nez pour ne pas avaler de l'eau, pour que l'eau ne parvienne pas à l'estomac. Donc ils ont dit que ces cas-là étaient semblables. Donc l'avis le plus juste est que cela n'invalide pas le siyam tant que ces médicaments-là ne parviennent pas jusqu'à la gorge. Et enfin, la dernière question concerne les suppositoires. Est-ce que les suppositoires invalident le siyam ou pas? Certains savants comme l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i et d'autres ont dit que les suppositoires invalident le siyam car c'est quelque chose qui entre dans le corps. Et d'autres savants comme Ibn Hazm, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'autres ont dit que cela n'invalidait pas siyam car on ne peut pas considérer les suppositoires comme étant de la nourriture ni de la boisson. Donc cela n'invalide pas siyam. Et cet avis-là est l'avis le plus juste. Donc l'avis le plus juste est que les suppositoires n'invalident pas siyam. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh Ibn Baz et Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhim ajma'in. Donc voilà pour ce dars où on a vu ce qui concernait l'hijama lorsqu'on jeûne, et on a vu que l'avis le plus juste était qu'Al-Hijama n'invalidait pas Siyam. Et on a vu également certaines questions supplémentaires relatives au hadith qu'on a vu. Wa ilawna walhamdulillahi rabbil alamin.